Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Gustave Courbet et la colonne Vendôme. Mars 1871, le peuple de Paris proclame la Commune. Fini le vieux monde, promet-elle. Les privilèges, l'exploitation, le clergé, le servage. Une ère nouvelle commence. Dans l'euphorie révolutionnaire, des artistes aussi s'engagent. Vive la libre expression de l'art, abat l'académisme. Parmi eux, il y a Corot, Millet, Daumier et un autre grand peintre, Gustave Courbet. Le peintre de la nature, du réel, célèbre pour sa toile, l'enterrement à Ornans, qui fit scandale en 1850. Celui qui a refusé la Légion d'honneur et qui, dit-il, n'appartient à aucune école ni à aucun régime, si ce n'est celui de la liberté. Brun, barbu, Gustave Courbet est sensuel et plaît aux femmes. Le grand gaillard aime la vie, par le haut, assumant sans complexe ses origines campagnardes. « Je suis l'homme le plus fier et le plus orgueilleux de France », dit-il. Mais sans doute aussi est-il imprudent, notamment lorsque le 12 avril 1871, il appelle les communards à déboulonner la colonne Vendôme, symbole de despotisme. Une idée folle qu'après l'écrasement de la Commune, la Troisième République triomphante ne lui pardonnera pas. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Thomas Schlesser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien de l'art, directeur de la fondation Hartung Bergmann à Antibes, un très bel endroit. Vous êtes aussi professeur à l'école polytechnique et vous êtes l'auteur d'une thèse sur Gustave Courbet. Je crois que c'est un peintre que vous aimez particulièrement. C'est exact. De lui, l'œuvre la plus connue a toujours été, je dirais, l'enterrement à Ornans. Mais depuis quelques années, elle est un petit peu dépassée. On lui a volé la vedette. Hein. C'est peut-être l'origine du monde aujourd'hui. C'est certainement l'origine du monde qui maintenant... qui fait le buzz. fait un peu la Joconde du 19e siècle, on pourrait voilà, dire. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qui caractérise l'art de Courbet? C'est ce qu'on appelle le réalisme? Oui, même si c'est un mot dont il se méfiait lui-même, mais enfin qu'il a quand même récupéré comme bannière, parce que c'était bien pratique. Je dirais au fond que, si vous voulez, dans l'histoire de l'art, en règle générale, ce qui caractérise la recherche des peintres, c'est la recherche de beauté. Eh bien, chez Courbet, il y a un nouveau primat, il y a une nouvelle priorité, c'est la recherche de vérité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément antithétique avec la beauté, mais en tout cas, pour Courbet, il faut avant tout être sincère, il faut être au plus proche de ce qu'on a devant les yeux, c'est ça qui doit caractériser la recherche artistique. Ah, est-ce que cette conviction, il se l'est faite très tôt? Parce que lui, il vient quand même d'un milieu de paysans riches, on peut dire de Franche-Comté, c'est ça? Il est né en 1819. Oui, il est né en 1819 en Franche-Comté, donc il vient d'un milieu riche, disons en tout cas, d'exploitants terriens, qui est, je dirais, avec un petit capital culturel aussi, c'est-à-dire qu'il est d'un milieu où on parle volontiers politique, où il y a des artistes, des musiciens, lui-même compose un peu de chansons. Et le contexte de Courbet sur le plan strictement artistique, c'est plutôt celui du romantisme. Et Courbet a quand même été un artiste qui a d'abord été imprégné par son temps. Mais petit à petit, il a compris qu'il aurait intérêt à se singulariser et donc à être au plus près du réel, et notamment du réel qu'il connaît. Et en ce sens, vous avez tout à fait raison, ce qui est très important pour lui, c'est de rendre hommage aux campagnes d'où il vient, ce milieu rural dont il est issu. Donc, Gustave Courbet arrive à Paris en 1839, et là, il rêve de conquérir cette ville. Il veut devenir le grand artiste. Il a quelque chose d'un peu du Rastignac de Balzac, en peut-être plus sympathique. Il vient à Paris d'abord pour faire des études de droit, hein, mais très vite, il abandonne cette idée. Il veut se consacrer à son art. Et pour conquérir Paris, je dirais qu'il y a trois éléments importants chez lui. Le premier, c'est que c'est un autodidacte. Donc, il fréquente beaucoup les grandes collections pour se faire un œil et puis se faire une technique. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un de très malin. Donc, il va plutôt jouer des codes qui peuvent le desservir, comme par exemple son accent franc-comtois, pour se singulariser, affirmer sa propre individualité. Puis la troisième chose, c'est qu'il intègre les réseaux de la bohème de l'époque. Et si vous voulez, sans être dans les grandes coteries parisiennes, on peut quand même se faire une place en étant, en fait, avec les marges glorieuses. Par exemple, c'est quelqu'un qui va fréquenter Charles Baudelaire, ou encore des personnalités politiques un peu sulfureuses, comme Proudhon. Et donc, c'est par ce biais-là que Courbet, en effet, dans les années 1840, va monter en puissance avant de devenir une grande, grande vedette dans les années 1850. Vous parliez de Proudhon, grande figure de la Révolution de quand même de 1848. À partir de quand Gustave Courbet s'intéresse-t-il à la politique, vraiment ? En fait, il s'y intéresse dès sa prime jeunesse, mais ce qu'on doit dire, c'est que il y a une révolution très importante en 1848. La monarchie de Juillet est balayée par la Seconde République. Il y a les fameuses journées de février, qui sont des journées violentes, avec des barricades qui sont érigées. Et ce qu'on doit dire, c'est que Gustave Courbet passe un peu à côté. Disons qu'il voit la révolution passer sous sa fenêtre. On le sent dans sa correspondance. Et c'est surtout sous le Second Empire, Louis-Napoléon Bonaparte devenu Napoléon III, que là se forge sa conscience politique. La Commune de Paris est proclamée le 18 mars 1871, donc là on est après donc la guerre avec les Prussiens, la défaite à Sedan, la fin du Second Empire. Cette Commune de Paris ne va durer que 72 jours, mais quelle histoire ! Elle est écrasée le 28 mai, après ce qu'on appellera la Semaine Sanglante. Et pendant ces 72 jours, que fait Courbet exactement ? Est-ce qu'il se bat d'abord les armes à la main ? Alors il se bat pas les armes à la main, Courbet est un pacifiste, mais je voudrais dire une chose importante, c'est que, vous savez, dans le trajet des artistes. En règle générale, on est révolutionnaire jeune et puis ensuite on se range un peu. Ce qui est tout à fait impressionnant chez Courbet, c'est qu'il rate la révolution de 48, qu'ensuite il devient un artiste très engagé sur le plan symbolique par sa peinture pendant le Second Empire et que c'est à 50 ans que il s'engage corps et âme dans la Commune. C'est-à-dire qu'il se met en danger, il s'expose au sens propre, parce que, évidemment, c'était la Commune, c'était être pris en étau entre d'un côté les Versaillais et de l'autre les Prussiens. Et Courbet, qui est un pacifiste, va surtout militer pour, je dirais, un grand partage artistique et culturel. Il est président de la Fédération des artistes. Par conséquent, eh bien, il veut ouvrir les musées au plus grand nombre. Ce qui est quand même très audacieux pour l'époque. Hein ? Absolument, absolument. Ce qu'il veut, c'est décorseter les arts. Et c'est essentiellement sur ce plan-là qu'il va être actif. Le 12 avril, Courbet appelle à déboulonner la colonne Vendôme. L'histoire que je vais raconter dans un instant commence un mois plus tard, le 16 mai, lorsque les communards, eh bien, ils passent à l'acte, ce qui n'est pas tout à fait pour rassurer Courbet, on va le voir. Tout de suite, Gustave Courbet et la colonne Vendôme, un texte de Camille Azaïs, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Christophe Hoquet. Trois heures et demie déjà et toujours rien. Il leur en faut du temps pour la faire tomber, cette colonne. Cette ferraille napoléonienne qui s'effondre en fumée, ça va être beau à voir. Mais mieux vaut rester à l'écart. Si les gens me voient sur la place Vendôme, ils vont dire que c'est ma faute. Mais je n'ai jamais proposé de la détruire. Juste de la mettre ailleurs, histoire qu'on ne l'ait plus sous les yeux. Ça prend de la place, ce machin, et c'est moche avec ça. Je n'aime pas trop la tournure que prend la Commune ces temps-ci, avec le comité de salut public. Et puis, l'armée de Thiers n'est pas loin. À mon avis, la Commune n'en a plus pour longtemps. Ils nous feront payer sans pitié. Pourtant, que c'était beau. Ce qu'on a mis en place en si peu de temps. Mais peut-être que je n'aurais pas dû me mettre à la politique. Ça ne me réussit pas. Je maigris. Et je n'ai plus le temps de peindre. Pas une seule toile depuis le début de la Commune. Paris, 16 mai 1871. Le peintre Gustave Courbet se cache sous un porche près de la place Vendôme, où la foule s'est réunie pour voir tomber en fanfare la colonne détestée. 20 000 personnes sont là. Ils boivent, chantent dans une humeur joyeuse, tandis que des soldats s'attellent à scier la colonne au ras du socle. Pour amortir sa chute, on a installé sur la place un lit de planches et de fumier. Pourquoi la colère des communards s'abat-elle en particulier sur cette colonne ? C'est peut-être ce que se demande la statue de Napoléon Ier, habillée à l'antique comme Jules César, qui contemple du haut de ses 45 mètres le petit peuple de Paris s'agiter à ses pieds. C'est Courbet lui-même, en tant que président du comité des Beaux-Arts, qui quelques mois auparavant a soumis officiellement l'idée de la déboulonner. Mais la Commune, dans l'exaltation, a pris sa proposition trop au sérieux et a décidé de la détruire complètement. Courbet a protesté, mais on ne l'a pas écouté. Maintenant, le peintre est pris d'un mauvais pressentiment. Il ne sait pas encore que cet événement entraînera avec lui en cascade une série de complications et aura des conséquences sur toute sa vie. Depuis sa cachette, Courbet aperçoit soudain son ami Vermersch qui se dirige lui aussi vers la place Vendôme. Viens, Courbet, qu'est-ce que tu fais là ? Viens voir. Bah, t'en fais une tête. Je me cache. Surtout, ne dis pas que tu m'as vu. Je ne veux pas qu'on dise après que c'est moi qui ai cassé la colonne. Moi, je pensais que tu allais te réjouir. Me réjouir? Mais tu sais bien ce qu'il en est. Je ne voulais pas la détruire, je voulais juste la déboulonner. Écoute, je suis embêté, Vermeersch. Viens voir. J'ai reçu des lettres bizarres. Je peux te les montrer? Des lettres bizarres? Encore des ennuis de femme, Corbet? Ça te fait rire? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais avec tes lettres alors que tout le monde vient voir la colonne? Tu perds la tête? Non, mais écoute-moi, c'est important. Ce sont des lettres de menace. On me menace de mort. Bon, montre-moi ça. Oh, que c'est mal écrit. De vrais cochons. Le jour où mon vieil empereur tombera, le fil de tes jours sera tranché. Misérable vandale, eh bien. Et c'est signé les survivants de la grande armée. Ce sont les anciens soldats de Napoléon. Eh, j'en ai toute une liasse comme ça. Ça fait 3 jours que je la reçois. Ne me dis pas qu'ils te font peur. J'avoue qu'ils m'en fichent, je suis la trouille. Ce sont des imbéciles ridicules. Tu ne les as jamais vus en train de faire leur cérémonie? Ça fait 50 ans qu'ils se réunissent place Vendôme, dans leurs uniformes pleins de trous de mythes, et qui ont toutes les coutures qui craquent tellement ils ont pris de ventre. Ils regrettent l'Empire et ses batailles. Mais ils sont tous complètement séniles. C'est à peine s'ils tiennent encore debout. Ouais, mais écoute, je ne suis pas tranquille. Toute cette histoire de colonne m'embête et je n'arrive pas à me réjouir. J'arrive plus à peindre. Allez, Corbet, t'inquiète pas. Tout le monde se moque de ce monument ridicule. Les bourgeois auront d'autres occasions de se mettre en colère. Ben, si tu pouvais avoir raison. Mais j'ai comme l'impression que cette maudite colonne va m'emporter avec elle en tombant. Tu m'as l'air plus solide qu'elle. Allez, viens, qu'on s'amuse un peu. Oh, regarde, ils ont presque fini de la découper. C'est une fête. Après la guillotine, on détruit la colonne. C'est dans l'ordre des choses. Allez, citoyens, lumière! Mettez-y un peu plus de force! Ah bah la colonne! Quelques jours après, Adolphe Thiers lance ses troupes contre Paris. Le 21 mai 1871, l'armée versaillaise attaque la ville par les portes de l'Ouest. La commune dresse des barricades de fortune, faites de pavés, de tonneaux ou de charrettes renversées, qui ne tiennent pas longtemps contre l'ennemi. En quelques jours, la commune est défaite. S'ouvre alors ce qu'on appelle la semaine sanglante, du 21 au 28 mai, qui voit quelques 20 000 personnes, hommes, femmes et enfants, fusillées sans sommation par les Versaillais. Les audaces de la commune sont punies dans le sang. Pendant les combats, Courbet s'est réfugié chez un fabricant d'instruments de musique, rue Saint-Gilles, dans le Marais. Il y est à l'abri jusqu'au 7 juin 1871. Ça mitraille encore. Les barbares. Qu'est-ce que c'est encore? On peut pas être tranquille? C'est Vermeersch. Assieds-toi, petit. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis fait jeter dehors de ma pension. Mais entre! Et dépêche-toi, il y a des soldats qui traînent. Je savais pas où aller. On m'a dit que t'étais ici. T'as bien fait. Ma logeuse avait peur de se retrouver au bagne si on me trouvait chez elle. La vieille carne, si elle pouvait y rester. Allez, petit, du calme. Prends un peu de soupe. Les camarades se sont bien battus à Montmartre et au Père Lachaise. Mais on faisait pas le poids. Maintenant, l'armée se déchaîne sur tout ce qu'elle peut trouver. Quand quelqu'un a l'air louche, il tire. Même sur des enfants et des vieillards. Les ordures. Ils attendaient ça depuis longtemps. Je sais bien. Je suis resté ici toute la semaine dernière pendant les massacres. Mais j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Nous sommes des vaincus, Courbet. Nous avons tout perdu. On nous massacre jusqu'au dernier. Et ça n'a l'air de déranger personne. Au contraire, ça les arrange bien. Je sais, Vermeersch, je sais. Tu veux un verre de vin? Une tranche de pain? Comment peux-tu être si calme? Ça ne t'étouffe pas de rage? Ça ne te donne pas envie de tout casser et d'aller prendre un fusil? Je sais où est ma place, moi. Je ne suis pas résigné, je suis réaliste. Que veux-tu faire maintenant? Nous avons perdu. Nous avons perdu. Mais tu renies la commune? Oh, ne dis pas de bêtises. Je suis fier, moi, d'avoir appartenu à la commune. Liberté pour les artistes, abolition des privilèges, éducation du peuple. Bien sûr que je suis avec la commune. Ce que nous avons mis en place, c'est le gouvernement idéal. Mais peut-être qu'il était trop tôt, les gens n'étaient pas prêts. Et puis, faut avouer que sur la fin, hein, le comité central faisait un peu n'importe quoi. Et alors? Tu vas reprendre ta place d'artiste à succès, auprès des bourgeois, comme avant? Moi, je ne suis pas résigné, tu vois. Je veux me battre. Je veux continuer. Tais-toi. T'as entendu ce bruit, là? Qu'est-ce que c'est? Des soldats. Des soldats dans la rue. La peste. J'ai dû être dénoncé. Ils viennent me chercher, c'est sûr. Il faut fuir. Il y a une porte par derrière. Et passe par la petite cour, toi. Dépêche-toi de te cacher. Moi, je vais rester là. Mais viens avec moi. Ils me retrouveront bien, de toute façon. Allez, vas-y, fonce. Sauve ta peau. Gustave, vas-y, au fond de la cour, à droite. J'arrive. Quelle grossièreté. Arrêté le 7 juin, Courbet échappe à la répression la plus dure de la semaine sanglante. Mais il n'en est pas moins traité, comme les quelques 40 000 prisonniers de la commune, avec mépris et violence. Les prisonniers sont attachés par des cordes et traversent Paris jusqu'à Versailles, à pied, sous la pluie. Ce sont des ouvriers, des artisans, des gardes nationaux, parfois des bourgeois, des femmes et des enfants. Quand les vieux n'avancent pas assez vite, on les abat d'un coup de fusil. La foule se déchaîne sur eux, les insulte, leur jette de la boue et des pierres. Courbet est d'abord enfermé à la conciergerie, puis on le transfère à Versailles. Pendant le transfert, un jeune homme lui crache au visage. Une vieille femme lui casse son ombrelle sur la tête. Des enfants le couvrent de boue. C'est un choc pour Courbet. Comment imaginer qu'il suscitait tant de haine? À Versailles, on le jette dans une cellule obscure et sale qui sent le fumier. Je n'y vois rien. Ah, ça pue. Je marche sur des flaques de... Ah, ils m'ont mis dans l'écurie. C'est horrible. Et ici, il y a un peu de lumière. Tant que je peux dessiner, je ne suis pas complètement perdu. Le 14 août 1871 s'ouvre son procès. Pendant près de deux semaines, Courbet comparaît à la barre aux côtés de 16 autres grands noms de la commune. Dans la salle, le public se presse comme au théâtre. Courbet est jugé pour attentat, excitation et levée de troupes, usurpation de fonctions et complicité de destruction de monuments. Heureusement, il est défendu par un avocat célèbre, Charles Lachaud, qui opte pour un scénario simple. Le peintre est un naïf qui s'est retrouvé, malgré lui, embarqué dans la commune. Beaucoup sont prêts à y croire. Alors que d'autres sont condamnés à mort ou déportés en Nouvelle-Calédonie, Courbet n'écope que de 6 mois de prison. Il a de la chance, le juge ne retiendra contre lui que l'affaire de la colonne. Courbet purge sa peine à Sainte-Pélagie avec les autres prisonniers politiques. Jules Castagnari, son fidèle ami et critique d'art, est l'un des rares à venir lui rendre visite. Gustave Courbet à Sainte-Pélagie. Voilà une toile qui fera grand bruit. Ou alors, autoportrait en détention. Bof, c'est un peu triste. Les tons sont trop sombres. J'ai dû mettre trop de brun. En même temps, est-ce qu'il y a de quoi se réjouir? Gustave Courbet, le grand peintre du réalisme, enfermé comme un rat dans une cage. Prise au piège de la réalité. La réalité des imbéciles et des médiocres. L'histoire leur a donné raison. Et moi, je croupis derrière des barreaux. Enfin. Ah, Castagnari. Gustave. On vous a laissé entrer? J'ai dû remuer ciel et terre. Vous n'imaginez pas tout ce qu'ils ont fait pour m'en empêcher. Ils me considèrent comme un sympathisant de la commune. Ah, je suis bien content de vous voir, Jules. J'ai eu très peu de visites. Comment allez-vous? Vous êtes bien ici? Vous avez beaucoup maigri. Vous trouvez? Eh ben tant mieux. J'en avais bien besoin. Ce petit séjour en prison est une véritable cure. Sérieusement, comment est votre santé? On dit que vous avez beaucoup souffert pendant le procès. J'ai eu parfois du mal à garder la tête froide. Enfin, ce n'était pas tant la tête qui me faisait souffrir que mon autre extrémité. J'ai des hémorroïdes depuis longtemps. Mais récemment, c'est devenu un vrai calvaire. Je peux à peine rester assis. Je vais essayer d'en parler. On vous transfère dans une maison de santé. Dites-moi, il paraît qu'on dit que je me suis comporté comme un lâche. Un lâche? Mais non, pas du tout. Enfin, quelques personnes ont profité de la situation pour persifler. Vous voyez de quoi il s'agit, des jaloux. Et dites-moi tout, Castagnari. Édouard Manet, est-ce que c'est vrai? Eh bien, quoi, Manet? Il dit partout que je me suis dégonflé pendant le procès. Oui, c'est vrai. Et Manet ne rate pas une occasion de vous enfoncer. Mais que dit-il? Il dit que vous êtes comporté comme un lâche qui renie ses opinions. Ah, le coquin. Moi qui ai toujours affirmé haut et fort que j'appartenais fièrement à la commune. Bon, écoutez, le plus important, c'est que tout cela soit fini. Vous avez eu de la chance. Les autres ne peuvent pas en dire autant, fusillés, déportés. Dans 6 mois, vous êtes libre. Oui, c'est vrai. Mais on s'obstine à me coller sur le dos la destruction de la colonne. Heureusement, j'ai anticipé tout cela, Jules. Vous verrez, je ne les laisserai pas me gâcher la vie pour un tas de pierres. Et qu'avez-vous fait ? J'ai écrit à Jules Ferry. Il me doit bien un peu d'aide. Maintenant qu'il est au gouvernement, je lui ai expliqué que je n'avais pas détruit cette colonne moi-même, que tout cela était ridicule. J'ai même proposé de relever leur espèce de grand navet à mes propres frais pour qu'on me fiche la paix une fois pour toutes. Gustave, vous n'avez pas fait cela ? Bien sûr que si. Et s'il vous prenait au sérieux ? Eh ben alors, où serait le mal ? Mais serez-vous en mesure de payer ? J'ai tout ce qu'il faut. Je suis tout de même un des peintres les plus importants de Paris. De toute manière, j'ai une garantie. Vous vous souvenez de ma collection de tableaux de maître ancien ? Votre musée ? Vous plaisantez, ce sont des faux. Mais pas du tout. Je l'ai obtenue d'une dame de Normandie qui la tenait d'un ministre de Charles X. Elle vaut un prix fou. Je vous conseille la plus grande prudence. Et si cette collection ne valait rien ? Eh bien, moi, je suis un peintre et je dis que la valeur de ces tableaux réunis vaut largement la somme nécessaire pour la reconstruction. Bref, n'en parlons plus. Vous verrez, tout ira bien. Dans 6 mois, vous serez sorti et vous vous remettrez sur pied. En attendant, reposez-vous. Au revoir, Gustave. J'essaierai de revenir vous voir bientôt. Jules, attendez. Une dernière chose. Dites-moi. C'est que je n'ai pas beaucoup d'informations ici. Est-ce que les expositions reprennent ? Il y a du nouveau ? Bien, oui, ça reprend doucement. Notre marchand, Durand Ruel, est très actif. Ah, bien, bien. Et Manet, il fait beaucoup d'expositions ? Oui, plutôt, oui. Surtout depuis que Durand Ruel lui a acheté ses dernières toiles. Merci, Cassagnari. Merci d'être venu me voir. Castagnari essaie de me remonter le moral. Mais je suis au plus mal. Je le sens bien. Le vent a tourné. Les expositions reprennent sans moi. Les jeunes peintres passent à autre chose. Et moi, je deviens peu à peu un vieux monsieur. Mes couleurs se font ternes. Un peu de rouge. Mais oui, c'est ça qui manque à mon portrait. Un foulard rouge. Courbet purge à la fin de sa peine dans une clinique privée à Neuilly où on le soigne pour ses hémorroïdes. À sa libération, l'artiste a repris des forces. Il est en bonne santé, soulagé d'être sorti d'affaires. Et surtout, le procès de la commune attire à lui une foule d'acheteurs. Je dois payer contre ce chèque 1300 francs pour la voiture, plus 135 francs de transport. Cela fait donc 1435 francs. Voilà. Un beau petit cadeau pour mes sœurs chéries. Ça leur fera plaisir. Et demain, je serai à Ornans. Je n'ai jamais été plus en forme, c'est formidable. La commune m'a fait riche. Les commandes affluent. Heureusement que Patin m'aide à préparer tous ces tableaux. Les gens peuvent bien gueuler, avec leur passion nouvelle pour l'ordre et la morale. Moi, tant que je peux travailler, je suis content. Je me réjouis de revoir ma famille, aller à la pêche aux truites, peindre quelques vues des montagnes, tout ça loin de la capitale. Hein ? Mathilde encore ? C'est la deuxième aujourd'hui. Mon cher amant. Ah, ça commence bien. Attendons de voir la suite, avec elle on ne sait jamais. Que ne puisse, cher amour, t'initier au charme de la vie. Voilà mon grand regret. Voilà mon seul regret. Pourquoi donc te rendre malade en te branlant constamment la pine, lorsque tu pourrais employer beaucoup mieux cette douce liqueur, qu'il est à mon avis complètement inutile de perdre. Ce que tu me fais de plaisir en me disant que je te procure d'énormes jouissances m'enchante. Aussi, mon gros bouton du bas est-il d'une polissonnerie insupportable. Il ne fait que m'énerver. Je ne puis pourtant le faire jouir du matin au soir, car j'en deviendrai imbécile. Ah, mon cher amant. Que ta réponse fait attendre. Monsieur Courbet. Mon cœur bat nuit et jour. Monsieur Courbet, nous sommes tous prêts à partir, alors si vous... Ah, Pata, c'est vous ? J'ai eu peur. J'ai cru que c'était Mathilde. Vous avez l'air troublé. C'est rien. Allons, en route. Tenez, pourriez-vous poster ces deux lettres? Ceci est le chèque pour la voiture de mes sœurs, et celle-là pour la comtesse Mathilde Montaigne-Carly de Svadzena. Avec plaisir. Je vous rejoindrai à Ornans dans quelques jours. Faites bon voyage. Prenez soin de vous, et surtout, venez vite me rejoindre. J'ai besoin de vous, hein. À Ornans, Courbet reprend ses habitudes, partage son temps entre la peinture et les affaires du domaine familial. Il est si content que les affaires reprennent qu'il envoie même deux petites toiles au salon de 1872. Puisque lui a tout oublié, peut-être en est-il de même pour ses ennemis. Évidemment, les toiles sont refusées. À Paris, la haine se déchaîne contre le peintre, mais il ne semble pas en avoir conscience. Pour l'heure, il songe plutôt à la comtesse de Svadzena, sa dernière aventure amoureuse. Une aventure qui est restée pour l'instant épistolaire. Depuis qu'il l'a rencontrée, ils ont échangé une quarantaine de lettres de plus en plus pornographiques. Courbet lui a même fait passer quelques tableaux pour que Mathilde se charge de les vendre à des collectionneurs. Ce que Courbet ne sait pas encore, c'est que la République s'apprête à rouvrir le dossier de la colonne Vendôme et que cette fois, l'issue en sera fatale. Castagnari, vous en croyez vos oreilles, vous ? Que la République ait pu élire le bourreau de la commune ? Mac Mahon, président de la République ? Je suis écœuré. Je n'en reviens pas. Tout le monde est suffoqué. Les royalistes ont encore tout le pouvoir dans ce pays. C'est une insulte aux camarades. Quand je pense au petit Vermersch, exilé en Belgique, lui qui pensait pouvoir revenir bientôt... L'amnistie n'est pas pour tout de suite. Si vous saviez la haine que déclenche encore le seul nom d'un communard à Paris, une secte d'assassins, de la vermine, tout le monde se déchaîne, même les républicains. D'ailleurs, à ce propos... Quoi ? Il faut que je vous fasse la leçon. Encore une mauvaise nouvelle ? Est-ce vrai que vous dites partout que la commune vous a fait millionnaire ? Eh ben, je l'ai dit dans une ou deux lettres, en effet. Enfin, à des gens de confiance. Il y a une fuite dans la presse. Une fuite ? Mais de qui ? Je ne sais pas, mais dans le Figaro, on dit qu'après le traitement de faveur que vous avez eu, vous devriez vous tenir tranquille. Et on ne va quand même pas m'empêcher de vivre. J'ai beaucoup de commandes en ce moment. Je suis un peintre en vogue. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Tant pis pour eux. Vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de la controverse. Je ne vous parle pas de controverse. Je vous parle du procès de la colonne. Mais enfin, qu'y a-t-il à craindre ? J'ai déjà été jugé pour cette histoire. J'ai fait mon temps. On m'a dit que votre proposition de la relever à vos frais n'était pas tout à fait enterrée et l'arrivée au pouvoir de Mac Mahon n'est pas une bonne chose. En tout cas, ces temps-ci, tenez-vous un peu à carreau. Allez pêcher, profitez du bon temps. Mais à votre place, je ne me ferai pas remarquer. J'ai toujours vécu grâce au bruit que je faisais. C'est comme ça que j'ai survécu sous le Second Empire. Vous vous souvenez quand j'ai montré le retour de la conférence, les prêtres ivres sur leurs ânes, les têtes qu'ils faisaient? Allez, riez, Jules. Vous faites trop de soucis. Gustave. Mon bon patin, mon ami. Et venez, je vous présente Jules-Antoine Castagnari, le grand critique d'art du réalisme, le plus fin connaisseur de Gustave Courbet, peintre et dangereux révolutionnaire. Monsieur. Cherubino Pata, peintre lui aussi, un grand talent, qui m'aide énormément à préparer mes toiles et mes couleurs. Cherubino vient du Tessin. Je l'ai rencontré grâce à la commune. Vous voyez qu'elle m'a tout de même apporté de grandes et de belles choses. Monsieur le critique d'art, je suis très honoré. Gustave, un instant. Je voulais vous prévenir. J'ai aperçu sur le chemin une certaine dame en chapeau qui vient d'arriver à Ornans. Une comtesse. Elle veut vous voir. Alors j'ai réussi à gagner un peu de temps, mais il faudrait vite prendre vos dispositions. Ah non, d'un chien, c'est Mathilde. De quoi s'agit-il ? Mathilde, la comtesse Carly de Svadzena. Il faut que je m'éclipse. Vous me pardonnerez ? Pata, vite. Prenez ces lettres dégoûtantes qu'elle m'a envoyées et rendez-les lui en lui disant quelque chose comme Monsieur Courbet ne veut rien savoir de vos lettres ignobles. Vous lui faites horreur avec votre chantage. Vous êtes abject et dégradé. Voilà. Prenez tout. Elles y sont toutes avec leur cochonnerie littéraire. Oui, comptez sur moi. Jules, je vous accompagne à la gare. Je pars à Paris. Non, à Besançon. Enfin, si on me demande, je ne suis pas là. Mais Mathilde, votre amante de Paris ? Une saloperie de femme, oui. D'abord, elle me vole. Elle ne veut pas me payer pour les tableaux qu'elle a vendus. Ensuite, j'apprends qu'elle est amie avec des gens détestables et qu'elle n'en est pas à sa première arnaque. Et maintenant, elle veut 10 000 francs. Sinon, elle publiera mes lettres. Mais quelle audace ! Elle qui vous aimait tant. Je n'ai vraiment pas de chance avec les femmes. Vous avez un peu de respect. Vous savez qui je suis ? Madame. Veuillez m'annoncer auprès de monsieur. Monsieur Courbet n'est pas à Ornans aujourd'hui. Il ne pourra pas vous recevoir. Écoutez, je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir vu. Je dois absolument lui parler. Il ne vous verra pas. Et puis, il m'a chargé de vous dire que votre chantage était ignoble, que vous lui faites honte. C'est vous qui me faites honte? Quelle manière? Je pourrais vous faire mettre en prison. Je vais également vous rendre vos lettres. Mais de quoi parlez-vous? Voilà. 40 lettres pornographiques écrites à monsieur Courbet depuis novembre 1871. Ça ne l'intéresse pas. Monsieur, c'est pas moi qui ai écrit ça. Vous m'insultez. Madame, vous devez à monsieur Courbet l'argent de ses tableaux. Il vous fera un procès. Si vous le prenez comme ça, moi je publierai les lettres dans la presse. Je peux vous garantir que beaucoup de gens trouveront cela très amusant. Cela fera scandale. Allez, allez. Oh, maintenant je vous pousse vers le sortir, là, vous décapitez. C'est une maison respectable ici. C'est pas un lieu de débauche. C'est une honte. Encore une fois, Gustave Courbet a accordé sa confiance un peu trop vite. Affolé par la tournure que prennent les choses, il porte plainte pour escroquerie et la terrible comtesse se retrouve en prison avant qu'elle n'ait pu faire quoi que ce soit. Malheureusement, Courbet doit faire face, en cette année 1873, à un ennemi bien plus puissant, le maréchal de Mac Mahon. Élu président de la République en avril, il fait voter dès le 30 mai une loi pour le rétablissement de la colonne Vendôme. Et bien sûr, c'est à Courbet de payer. La facture est salée, 323 091 francs et 68 centimes. Pour le faire payer, le nouveau gouvernement va s'acharner sur le peintre, séquestrer tous ses biens et l'empêcher de vendre ses tableaux. Désespéré, Courbet se tourne vers la seule solution qui lui reste, l'exil en Suisse. Il part le 23 juillet, accompagné de son assistant, dans une voiture fermée pour qu'on ne le reconnaisse pas. Malade, fatigué par la prison et les soucis, blessé dans son orgueil, Courbet se doute-t-il alors qu'il ne reverra jamais la France. La Suisse, c'est beau la Suisse. Il y a de beaux paysages. Et je pourrais faire de belles vues de montagne. Ça ressemble à chez moi. Puis ça n'est pas très loin. On viendra me voir. Je vais me trouver une jolie petite maison au bord du lac. Faire une petite galerie d'exposition pour mes tableaux. Je trouverai de nouveaux acheteurs, ce sera formidable. Et puis, ça ne durera peut-être pas. Toute cette folie doit s'arrêter. Mac Mahon au pouvoir. Les maçonniers, les cabanels, les durands. Tous les pompiers de retour au salon. Plus ils sont médiocres, plus ils s'acharnent contre moi. Je les entends d'ici. Courbet la courge, Courbet la citerne. Mais ils peuvent bien crier. Ils sont bien de leur époque. Non. Ce qui me reste en travers de la gorge, c'est plutôt Jules Ferry, ce bon vieux Jules. C'est lui qui m'a donné des responsabilités. Lui aussi, il voulait déboulonner la colonne. Il ne disait pas autre chose que moi. D'ailleurs, ils étaient tous d'accord, tous les républicains. Et maintenant qu'ils sont au gouvernement, ils laissent dire que c'est ma faute. Et ça me coûte toute ma vie et ma santé. Le pouvoir en lâche. Ça y est, on arrive à la frontière. Pierre Rubineau, demandez au cocher de s'arrêter un instant. Quoi, là, au milieu de la route? Ah oui, juste un petit moment. La France. Allez, allons-y. En route pour la Suisse. Notre histoire s'achève à la Tour de Paix, près de Vevey, au bord du lac Léman. Courbet a acheté une jolie maison de 2 étages, couverte de vignes, avec vue sur le lac et les montagnes. À l'étage, il a aménagé son atelier et une galerie de peinture, dans laquelle il montre ses tableaux ainsi que sa fameuse collection de maîtres anciens. On peut la visiter pour la modeste somme de 50 centimes que Courbet reverse aux malheureux. Un jardin en terrasse mène jusqu'à l'eau où l'artiste aime se baigner. Car depuis qu'il est en Suisse, Courbet est devenu de plus en plus obèse et seuls les bains lui permettent de se sentir léger. Il souffre d'un œdème qui le fait gonfler et sera la cause de sa mort. L'abus de celle qu'il appelle la charmante, c'est-à-dire l'absinthe, n'y est pas pour rien. Ah, Pata! Vous voilà. Vous tombez bien. Vous allez m'aider à me rhabiller. Oui, bien sûr. J'arrive plus tout seul. Le bain vous a-t-il fait du bien? Excellent, excellent. Merci. Ma chemise. Ah oui. Voilà. Merci. Ah, il fait un temps admirable. Les lumières sur le lac, c'est splendide. Très belle, en effet. Tenez, apportez-moi un verre de blanc, de vin blanc, là. Ou plutôt, donnez-moi la bouteille. Merci, Pata. Et ces effets de rouge sur l'eau, vous les avez vus? Ça me rappelle votre dernière marine. Oui, la marine. Quelle marine, Pata? Celle que vous avez vendue la semaine dernière. Ah oui, elle était très réussie, en effet. Je suis presque déçu de l'avoir vendue. Bon, j'ai préparé le fond de toile et les pinceaux, et tout ce qu'il faut pour en refaire une. Alors, allez-y, vous devriez profiter de ce beau panorama. Ah, je me sens un peu fatigué. Je vais plutôt monter à l'atelier. Mais vous pouvez terminer la toile que j'ai commencée hier. Vous savez, celle du château de Chillon. Elle doit partir bientôt. J'ai pas eu le temps de la finir. Il reste juste à poser les dernières touches. Je m'en occupe. Quatre francs, c'est pas mal. Pata me fait peindre à outrance. J'ai besoin de repos. Je ne suis plus tout jeune. Mais il fait du bon travail. Il va falloir faire suer la peinture de 5000 francs pour payer la première traite. Quelle absurdité. Je paierai. J'en ai assez de toutes ces histoires. Je paierai pour la colonne. Hello. Est-ce qu'il est possible de visiter l'exposition? Je vous en prie. Le musée est ouvert à tous. Oh, je suis enchanté, monsieur. Je viens tout spécialement à la Tour de Paix pour voir vos tableaux. Eh bien, vous me faites grand plaisir. On m'a dit que vous aviez également une très belle collection, avec des Van Dyck, des Velasquez. Bien sûr. Regardez ici. Le Sueur. Pierre de Corten. Celui-là et moi. C'est Jo l'Irlandaise. Oh, c'est extraordinaire. Est-ce que ce tableau est à vendre? Ah non, celui-là, je le garde. En revanche, les œuvres disponibles sont ici. Vous avez le château de Chillon. C'est cet effet de neige. Fantastique. Ah, je suis bien obligé de travailler pour vivre. On m'a pris tout ce que j'avais pour payer la colonne. J'ai entendu parler de cette histoire, bien sûr. C'est très injuste, ce qui vous est arrivé. Nous sommes gouvernés par des imbéciles. Heureusement, nous aurons bientôt une vraie république, j'en suis sûr. Vous restez optimiste? Et ce tableau? Ça, c'est une copie que j'ai faite. Un autoportrait de Rembrandt. Vous connaissez Rembrandt? Bien sûr. Est-ce un peintre que vous aimez particulièrement? Rembrandt, c'est le plus grand. Pas comme Raphaël. Raphaël est un polisson. Alors que Rembrandt, lui, il voyait juste. Tenez, voilà ma dernière composition. C'est la Dent du Midi. Waouh, c'est splendide. Je ne l'ai pas encore terminé, mais je compte bien faire mon retour à Paris avec ça. Vous voyez cette haute chaîne de montagne. Derrière, c'est chez moi. C'est ma maison. Et vous aimeriez rentrer chez vous? J'aimerais revoir Ornan, oui. Mais vous savez, Si je peux vous dire la vérité, quand j'ai commencé à peindre ce tableau, j'avais l'espoir de pouvoir retourner de l'autre côté. Et maintenant, je me demande si ce n'est pas plutôt la mort qui se trouve là-bas pour moi. Comme derrière chacune de mes toiles, enfin celle que j'ai réussie. Bon, mais je veux remercier infiniment pour votre courage. Au revoir. Gustave Courbet s'éteindra le 31 décembre 1877 sous le regard de son père, Régis, venu l'assister dans ses derniers moments. Comme un ultime défi à ceux qu'il appelle ses persécuteurs, l'artiste décédera juste avant le 1er janvier 1878, date à laquelle étaient dus les premiers 5000 francs pour rembourser la colonne. Ah, la mort. Voilà un bien beau sujet, oui. Je suis bien fatigué de tous ces conflits. Au fond, je n'avais pas tort de dire que la colonne m'écraserait en tombant. On m'a ruiné. On m'a tout pris. Mais surtout, je ne suis plus dans le coup. Il y a les fidèles, mais globalement, tout le monde m'a oublié. C'est ça qui me chagrine. Non, dans toute cette affaire, si j'ai un regret peut-être, c'est juste ça. D'avoir perdu un peu la main. Mes dernières toiles ne sont pas terribles. J'ai trop laissé faire patard. Sauf pour la dent du midi. Il faut que je finisse ce grand panorama. Je l'enverrai à Castagnari pour le salon de l'année prochaine. Ce sera mon grand retour. Gustave Courbet et la colonne de Vendôme de Camille Azaïs avec Gustave Courbet, Jean-Louis Couloc, Eugène Vermarche, Yvan Cory, Jules-Antoine Castagnari, Jean-Noël Lefebvre, Mathilde Montaigne, Carly de Svazena, Pauline Guimard, Cherubino Pata, Léo Antonin Lutinier et le touriste américain Jeffrey Carey. Bruitage Elodie Fiat, prise de son, montage et mixage Benjamin Vignal et Antoine Diossa, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Christophe Hoquet. Dans quelques minutes, on poursuit la discussion sur Gustave Courbet avec mon invité Thomas Schlesser. Take my body, pull it down, be the words upon my tongue. Oh, sweetest queen of harlots, let me taste your praise. Let me drown in you, let me feast, let me ride your seven-headed beast, let me strip before you and step back in your gaze. Remember your towers ring, ah, them tunes we used to sing. Let me try them on my lips again. You know I never miss a note. Sweet Babylon, Azaf Avidan sur France Inter, autant n'emporte l'histoire. Juliette Gou réalise l'émission, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Alice Berger. Thomas Schlesser, on vient donc de quitter ce pauvre Gustave Courbet, oublié, seul. Est-ce qu'on peut dire que cette histoire de Colonne Vendôme a été un point de rupture dans sa vie? Ah oui, incontestablement, parce que c'est une, non seulement une grande humiliation pour lui, mais c'est un piège. Vous savez, au moment où il meurt, il s'est lié avec Jules Vallès, Gustave Courbet, et Vallès va faire une oraison funèbre dans la presse très belle, où il dit... La colonne Vendôme perd son otage. Il a été l'otage de la colonne Vendôme. Mais au fond, c'est ce qui l'a poussé à l'exil. C'est ce qui était comme une sorte d'épée de Damoclès. Il savait d'une certaine manière qu'il s'en sortirait pas. Alors, poussé par une formidable énergie vitale, il croyait vraiment qu'il pourrait la rembourser. Mais non, ça a été un grand point de rupture, évidemment. À qui est responsable? La Commune, la Troisième République, qui pardonne rien? Ou est-ce qu'il est un peu lui-même responsable? C'est une affaire très compliquée. En tout cas, lui, dira toujours qu'il... On a un peu cette impression, quand même. Oui, il a mis pour le déboulonnage, néologisme d'ailleurs, hein. Et donc il y a une espèce de nuance entre déboulonner et détruire. Oui. Il plaide dans ce sens-là une certaine naïveté, d'autant qu'il va dire, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, que lui-même étant artiste, jamais il ne pourrait concevoir qu'un monument, une œuvre d'art puisse être détruite. Mais il est évident qu'on ne lui a rien pardonné, que aussi on lui a fait payer, je crois, une carrière de, comme on disait souvent à son propos, une carrière de factieux. Voilà, il y a cet aspect révolté permanent chez Courbet qui pouvait agacer, et la presse s'en est donnée à cœur joie. Vous savez, il y a par exemple une caricature extraordinaire au sujet de la colonne, un caricaturiste qui s'appelle Cam, et en fait on voit Courbet à genoux en train de supplier des ouvriers de ne pas mettre des matériaux trop chers. Donc on fait passer Courbet pour un mauvais payeur, pour un radin qui n'honore pas ses promesses. C'est tout à fait révélateur de l'humiliation qu'il a subie. C'est autant le communard que l'artiste qui est puni. C'est le personnage en règle générale, parce que en fait, l'artiste qui était vraiment très habile en matière de stratégie pour faire des scandales, pour faire du tapage, était une figure. C'est à la fois un peintre, mais c'est aussi un homme de l'époque. Et je crois que c'est l'un et l'autre réunis dans cette espèce d'incarnation en plus incroyable sur le plan physique. C'est une énorme barbe, une énorme silhouette, quelqu'un qui est une sorte de volume qu'on a envie de mettre à bas. Et vous le dites dans un article que vous avez écrit, Thomas Schlesser, c'est un homme qui a un ego assez surdimensionné. Enfin, il peint la laideur, il peint des hommes ou des femmes qui sont pas toujours très beaux. Ouais. Et lui-même, par contre, il se montre toujours sous une belle apparence. C'est ce que dit Théophile Gautier, je crois, dans une de ses critiques. Alors c'est très amusant. C'est qu'en tout cas au début de sa vie, dans les années 1840, quand il est encore assez fin, c'est vrai qu'il est très beau et que les autoportraits de Courbet qui sont très nombreux et qui sont une manière d'affirmer sa propre identité, il est très beau. Certains disent par exemple qui ressemble un petit peu à Johnny Depp. Bon, mais c'est pas complètement faux. Après cela, en effet, il y a des critiques qui vont se moquer de cette espèce d'obsession de lui-même. Il y a notamment un tableau où Courbet se représente en extérieur. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre portée, si ce n'est pour le personnage de Courbet. Et Théophile Gautier dit au propos de Courbet, lui seul arrête les rayons du soleil. Oui. Cette histoire, donc au-delà de la colonne Vendôme, pose la question des rapports de l'artiste et de la politique. Est-ce qu'on peut dire que la peinture de Courbet est politique? Réalisme égale politique? Alors ça, c'est très intéressant, c'est un nœud immense, mais ce qu'on peut dire, c'est que la peinture de Courbet, elle alterne entre des moments qui sont, je dirais, très anecdotiques, des paysages, des natures mortes, des portraits, donc qui semblent vraiment dépourvus de tout sens politique, et des œuvres qui sont beaucoup plus engagées. Encore faut-il comprendre que ces œuvres sont engagées, mais sans message véritablement clair. Cependant, c'est vrai qu'il y a une dominante pour avec des œuvres où on voit des paysans, des gens du peuple en grandeur nature, et que ça, en effet, ça donne une représentation symbolique très forte à ceux qui, normalement, dans la société, sont plutôt considérés comme étant secondaires. Mais je dirais la chose suivante, c'est que l'ambiguïté de Courbet fait que, quand bien même ses œuvres ne sont pas politiques, on y projette des messages politiques. Et en fait, de fait, c'est une œuvre qui est complètement ouverte. Et la critique va s'écharper sur le sens à donner aux œuvres de Courbet, ce qui fait beaucoup rire Courbet, qui dit, en effet, voilà, tout le monde essaye de trouver le sens caché de mes œuvres, et c'est ça qui la rend extraordinairement politique, idéologique. Il y a un tableau, je trouve, qui est particulièrement magnifique, enfin, c'est l'enterrement à Ornans qui a fait scandale en 1850. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu ? L'enterrement ornant, c'est un très très grand tableau où il y a une cinquantaine de personnages qui sont tous à l'échelle d'un être humain réel. Et c'est un long cortège où tous les personnages sont en noir, donc c'est très sombre, et ils sont en train de s'acheminer vers une fosse qui est au premier plan du tableau, et qui d'ailleurs est coupée, de sorte que le spectateur a quasiment l'impression d'être lui-même dans la fosse. Et c'est un tableau qui est à la fois assez lugubre, et en même temps, c'est un tableau qui fourmille de détails. On peut sentir une espèce d'ironie, on peut sentir des messages cachés. Et donc, on a le sentiment d'être face à une immense charade. Et d'ailleurs, au sujet de cet enterrement ornant, on s'est toujours posé la question, mais qui est enterré? Alors, oui. Il y a plein d'hypothèses possibles. Et Courbet dira un jour, il répondra de façon symbolique, c'est l'enterrement du romantisme. C'est-à-dire que le réalisme triomphe du romantisme. Mais on peut dire aussi que l'enterrement ornant, c'est l'enterrement de la République. C'est la République qui a été enterrée par Louis-Napoléon Bonaparte et ensuite qui sera mise entre parenthèses pendant ce Second Empire, pendant lequel va vivre Courbet. L'enterrement ornant que l'on peut voir au musée d'Orsay. Donc Gustave Courbet meurt le 31 décembre 1877, c'est quand même incroyable, c'est la veille du jour où il doit commencer à payer sa dette. Quel pied de nez au destin. C'est à la fois terrible et je trouve tout à fait révélateur de cette trajectoire à nul autre pareil. Voilà, c'est quelqu'un qui au fond fait toujours un pas de côté, Courbet. Là où on croit pouvoir l'attraper, eh bien il se dérobe jusque dans la mort. Il a le temps de refuser la présence d'un curé, de léguer de l'argent aux pauvres et de les convier même en bonne place à son enterrement. C'est un homme authentiquement généreux. Alors c'est quelqu'un qui aime évidemment l'argent, bien vivre, etc. Mais c'est un authentique homme de solidarité. C'est un authentique, pourrait-on dire, avec, en prenant le vocabulaire de l'époque, hein, pas celui d'aujourd'hui, un authentique socialiste. Et d'ailleurs, Castagnari dira de lui, c'est le premier des peintres socialistes. Est-ce que finalement la République a pardonné aux communards, Courbet ? Bon, aujourd'hui, je pense que oui, mais il a fallu un temps de réhabilitation. Et Castagnari, qui était très bien mis en scène dans la fiction, y a œuvré dans les années 1880. Castagnari, d'ailleurs, qui apparaît comme un personnage comme ça, un petit peu secondaire et fallot, mais qui deviendra ministre et qui sera vraiment l'artisan de sa réhabilitation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait aller encore plus loin. Et si la République Allez-y. Voulait vraiment payer sa dette envers Courbet, en tout cas, je fais un plaidoyer pour ça, il faudrait le panthéoniser. Il faudrait que Courbet entre au Panthéon. Merci beaucoup Thomas Schlesser. Je signale votre livre « Réception de Courbet aux presses du réel » et votre dernier livre « L'univers sans l'homme » aux éditions Hazan. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter bien sûr ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Excellente soirée sur France Inter.